Ce soir, je sors enregistrer les gens qui applaudissent les soignants et soignantes depuis leurs fenêtres et balcons. En bas, les rues sont presque vides, presque pas de voitures. Bonjour. Je me cale en bas d'un grand immeuble tout neuf. En haut, des appartes gigantesques, des baies vitrées, des balcons interminables, des terrasses végétalisées à plusieurs étages et un potager sur le toit. J'ose pas imaginer le prix des appartes. Ah, ça commence à applaudir. En bas, les bus circulent encore. Trois ou quatre personnes par bus. Ils transportent celles et ceux qui continuent à aller travailler. En haut. On dirait que les bourges pètent un plomb à être confinés dans leur cage à lapins de luxe. Est-ce qu'elle pense à celles et ceux qui sont confinés dans les logements pourris? Aux personnes confinées avec un conjoint violent, à celles et ceux qui n'ont pas de logement. Est-ce qu'elle pense à celles et ceux qui sont enfermés dans les tôles, les centres de rétention, les hôpitaux psychiatriques, les centres éducatifs fermés, confinement ou non? À celles et ceux qui, dans le quartier populaire d'à côté, vont subir encore plus les violences et l'arbitraire de la police? Est-ce qu'elle pense à celles et ceux qui ne sont confinés que lorsqu'ils ne sont pas sur leur lieu de travail? Aux ouvriers, aux ouvrières qui continuent à faire tourner les machines dans les usines? Ou celles et ceux qui bossent sur les chantiers? Aux travailleuses dans les magasins qui continuent à faire tourner les caisses enregistreuses et à mettre en rayon? Aux conducteurs et conductrices qui continuent à faire fonctionner les transports en commun? À celles et ceux qui font tourner les plateformes logistiques pour que les approvisionnements des magasins dans lesquels ils vont faire les stocks continuent à être faits? Ou encore pour qu'ils puissent continuer à commander sur Amazon. Et au fait, en haut, est-ce qu'ils ont commandé un repas indien sur Deliveroo ?